Eh bien, ainsi se termine cette nuit spéciale Hergé et journal de Tintin, Gauthier Van Merbeek. Donc, vous êtes rassuré, on vient d'entendre Hergé face à ses auditeurs, et puis on sait qu'on a écouté le dernier épisode. J'ai eu un peu peur, mais oui, ça sera mieux. Mais voilà, le scénario, les scénaristes ont respecté, et heureusement respecté en 1960, bien entendu, la fin du jour de les aventures de Tintin au Tibet. Comment imaginer que ça se termine autrement, que ça se termine que bien, Tintin? Bien, le Yéti est un peu triste quand même. Ah oui, ça, on a tous pleuré sur la larme du Yéti. Je pense que c'est quand même pas facile pour lui. Mais non, Tintin doit se terminer bien, évidemment. On a parlé des différentes époques du journal Tintin, de l'hebdomadaire Tintin, né en 1946, et puis devenu plus tard, comme ça, un mensuel. Tout cela, on le sait, on le découvre, on le redécouvre et on s'en réjouit dans la grande aventure du journal Tintin, donc 1946-1988, cet album de 777 pages, c'est ça. Publié aux éditions Moulinsart Le Lombard. Est-ce qu'il y a une ère de dessinateur au détriment des scénaristes? C'est une idée qu'on devine dans, je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit cet encadré, mais à un moment donné, c'est vrai que les dessinateurs prennent peut-être le pouvoir sur les scénaristes dans la bande dessinée. C'est un problème qui dure toujours parfois ce vieux débat-là. C'est vrai qu'à l'origine, on pouvait parler d'auteur complet. C'est vrai que la première génération d'auteurs, pour eux, c'était une évidence qu'ils allaient raconter une histoire, ils allaient savoir écrire, tout comme ils savaient dessiner. C'est peu après que sont arrivés les scénaristes. Donc il y a toujours une génération qui dit, moi je suis un auteur complet, j'ai pas besoin qu'on m'aide, ce qui peut parfois amener une certaine, pas d'arrogance, mais en tout cas de fierté. Et pas toujours leur nom d'ailleurs, les scénaristes ne signaient pas toujours. Et du coup à l'origine, parfois ils n'étaient même pas en couverture. Il y a des albums de Chick Bill qui avaient été écrits avec Greg, souvent on était plutôt en page de titre seulement, mais pas sur la couverture. C'était vraiment d'abord le domaine du dessinateur. Ça c'est venu parce que les grands créateurs d'origine étaient justement les auteurs complets. Alors écoutez, Gauthier Van Merbeek, moi j'aimerais que vous nous donniez des nouvelles des héros qui sont nés dans le journal Tintin, dans l'hebdomadaire, puis mensuel, mais... Où sont-ils? Ils sont chez vous, sans doute, aux éditions du Lombard. Ricochet vit toujours, on le sait d'ailleurs. Pas tous, heureusement certains le sont encore, mais bon, comme on est dans le journal, beaucoup de grands héros, Blake et Mortimer, Alix, tout ça, ils n'y sont plus. Mais Corentin, on le sait, on a reçu tout à l'heure Christophe Simon. Donc ça, on en a les nouvelles aventures, les trois perles de Saskia, avec un scénario de Jean Van Hamme. Que devient Torgal? Mais Torgal va très bien, il est toujours dessiné de main de maître par Rosinski, son créateur. Donc ça vraiment, le dessin, je vais presque dire, plus beau encore à chaque fois, c'est parce que c'est de plus en plus peint, c'est vraiment très très abouti. Et alors le scénario, c'est plus Jean Van Hamme, c'est Xavier Dorizon qui reprend la série maintenant avec une nouveauté qui sort en novembre. Et ça s'appelle Feu écarlate. Tout à fait. Voilà, mais il faut donner tous ces titres parce que on aime l'ancien, on est dans la nostalgie du journal Tintin, mais voilà, eux, ils continuent à vivre et tant mieux. Alors, la plupart des héros de bande dessinée, finalement, ont survécu à leurs créateurs, sont des reprises et reviennent encore toujours. Et nous survivrons, bien entendu. Tiens, on peut donner des nouvelles aussi d'Alix. Alors, Alix, il n'est pas au Lombard, il est chez Casterman, mais vous m'autorisez quand même à dire qu'il y a un Alix Lord de Saturne qui sort, et puis le mois prochain, un Alix Sénateur également chez Casterman. Alors, Michel Vaillant, tenez aussi. Alors là, c'est chez Graton. C'est Dupuis. Voilà, mais ça s'appelle Renaissance, c'est une compétition en plein Paris avec des voitures électriques. Tous les personnages évoluent, hein. Et oui, ils sont obligés. Exactement, et puis parfois on repart avec une numérotation, donc on dit le tome 4, finalement il y en a eu beaucoup avant, mais donc c'est une, chaque fois une nouvelle série qui recommence. Et puis on l'a dit tout à l'heure, au milieu de la nuit, Gauthier Van Merbeek, il y avait Modeste et Pompon, donc l'intégrale pour les adorateurs de Franquin, qui ne connaîtraient pas Modeste et Pompon, il faut savoir qu'il y a eu quelques années avec Franquin au dessin et au scénario, mais parfois aussi avec Goscinny et Greg, enfin tout ça est expliqué dans cette intégrale au Lombard, et puis aussi, alors là vraiment pour les grands nostalgiques que sont nos auditeurs, certainement Chlorophylle. Chlorophylle, c'est aussi un personnage vraiment culte du Lombard. Un petit loir, enfin une espèce de... C'est un léro. Un héros léro. Qui était très surprenant à l'époque parce qu'il y avait une certaine noirceur aussi dans Chlorophylle. Il y avait cette espèce d'univers d'animaux gentils dans la campagne. Très méchant. Par une armée de rats noirs qui étaient armés, inquiétants. C'était assez étonnant pour l'époque. Créé par Machereau. Prudence Petit Pas, c'est beaucoup plus gentil. Créé par Maréchal. Oui. Ça, c'était une vieille dame enquêtrice très bienveillante. Oui. C'était Miss Marple de la province française, de la campagne, comme ça, avec un chat. À une époque de héros viril, le mâchoire carré, c'était original aussi, cette petite dame. Comanche, pour moi, ça, c'est la série culte de Herman et Greg, une série western qui n'a pas pris une ride. 10 albums vraiment spécialement cultes. Alors, de toute façon, on aura compris que c'était une nuit spéciale Hergé et Journal de Tintin pour admirateurs, adorateurs, etc. Mais si des auditeurs, finalement, n'aiment pas la bande dessinée, ils peuvent penser qu'autour d'eux, il y a certainement des amateurs de bande dessinée. Oui, un ami qui aime la BD. En tout cas, depuis minuit, nous avons pu parler de Hergé avec Jérôme Neutre, qui est venu nous parler de l'expo Hergé au Grand Palais, les Galeries Nationales à Paris, une exposition que l'on peut voir jusqu'au 15 janvier 2017. On a pu entendre un entretien de Hergé avec Michel Cédric, un enregistrement de janvier 1979. Puis, on vous a rencontré, Gauthier Van Merbeck, et vous êtes venu nous parler de ce grand album, La Grande Aventure du Journal Tintin, 1946-1988. On a rencontré Christophe Simon pour la reprise des aventures de Corentin, Les Trois Perles de sa Skia. Et puis, évidemment, le feuilleton Tintin au Tibet qui se termine bien et qui permettra aux auditeurs de se transformer dès demain en relecteurs. Merci Gauthier Van Merbeck. Merci. On rappelle que toutes ces émissions, tous ces entretiens et tout ce feuilleton, tout cela est évidemment à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique des Nuits de France Culture. Nuits de France Culture qui s'achèvent. Philippe Garbi, Stéphane Poitevin, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté. Très bonne journée à toutes et à tous. Notez ce soir à minuit, première nuit spéciale Nuit du Rail, des métros, des trains et des gares. D'ici là, et tout de suite, le magazine de la rédaction.